Qui veut changer avec moi? Cette vie est mon ennemi. Cette vie que je vomis. Combien de fois? Moi, j'ai jamais voulu ça. Être dans la haine, le mépris, désister toujours l'autre que soi. Et au fond, la peur d'être dans l'erreur. Je déteste ce que je suis. Qui veut changer avec moi? Être dans la haine, le mépris. Détester toujours l'autre que soi. Et au fond, la peur. Être dans l'erreur. Jamais voulu ça. Je déteste ce que je suis.